refais surface, tu montres ta face. Un nuage qui s'efface et que rien n'en remarque. Les environs encore, tu finis à ici-bas. Un égo par terre, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est. Tu fumes encore du tube, écrasé par le monde. Tu voudrais bien voir, tu voudrais bien voir du monde. Ce sera là, la fumée s'échappera et montera sur les...